L'éclatement de l'ego est-il toujours en rapport avec le début d'un processus d'inidentification? Sinon, quelles seraient les autres explications? Oui. Quel rapprochement y a-t-il entre le comte de Saint-Germain, Lazare et Caligastia? J'imagine que c'est le comte de Cagliostro. Le prince planétaire et le prince planétaire Durantia de la cosmogonie Durantia. Attends-tu d'en répondre un bout? On va. Non? Quel rapprochement y a-t-il entre le comte de Saint-Germain, Lazare, Caligastia? Ouais, Caligastia, c'est deux phénomènes. Il y a Caligastia, premièrement, qui est un superviseur des forces lucifériennes. Puis il y a aussi le comte, que tu connais un peu, qui s'y rapproche un peu. Bon, mais qui paramétrait Saint-Germain. Bon. Et le prince planétaire Durantia. Il faut faire attention encore, le prince planétaire Durantia peut être, dans la cosmogonie, peut être vu de différentes façons. Le premier prince planétaire a été Satan. Il y a eu un prince planétaire subordonné qui a été aussi Caligastia. Et on a un prince planétaire qu'on appelle aussi Michael, dans la cosmogonie, faisant référence au Nazaréen. Le Lazare et Saint-Germain, ce n'est pas le même personnage exactement. C'est un personnage réincarnatif, c'est-à-dire que Lazare s'est réincarné par la suite, mélangé et fusionné avec les expériences nazaréennes et christiques, et il est devenu le comte de Saint-Germain. Si on regarde du point de vue planétaire, Caligastia avait un rôle extrêmement important à jouer antérieurement au comte de Saint-Germain. Le prince planétaire qui était l'antéréincarnation de Caligastia à l'époque de Lucifer, lorsque Lucifer a engendré le règne de l'humanité sur le plan planétaire. Mais la cosmogonie, elle est comme beaucoup de livres, elle est remplie d'erreurs, aussi d'erreurs historiques. Alors, il n'y a pas eu de chute, etc. Bon. Alors, lorsque Caligastia dirigeait le phénomène de la planète Terre en attendant la régence de Michael, c'est une chose qui était prévue. Michael est le nom d'énergétique des mécanicités qui vont se fusionner avec l'être humain. Antérieurement, disons que les Michael sont des mécanicités, il n'y en a pas juste un, sont des mécanicités cosmiques. Quand je parle cosmique, disons universel, c'est donc plus petit que le super univers. Universel, qui vont s'incarner à l'intérieur de l'homme pour permettre à l'être humain d'avoir un accès melchisédien à travers son évolution, c'est-à-dire que les phénomènes michaéliques sont un phénomène qui peuvent arriver à incarner l'être humain en prenant possession de son ego, c'est-à-dire par un échange d'accréditation évolutive. Et ce que je veux dire par accréditation évolutive, c'est intéressant, mais je me réponds aussi en même temps, c'est la possibilité de transcender le monde de la mort en vivant dans un continuum moronciel temporaire qui permet à un ego qui a un contact avec un phénomène style Michael de ne pas mourir. Après la disparition du corps physique, de ne pas souffrir réellement, mais de souffrir que de la mémoire, de la souffrance, mais pas de la souffrance réelle, et de pouvoir revenir dans un corps physique plus adapté à un moment donné pour retrouver un contact avec des mécanicités mémorielles michaéliques, et nécessairement pouvoir continuer un travail qui, à l'origine, a été engendré par un contact de Michael. Lorsque nous parlons de Caligastia, donc, nous parlons d'un régent planétaire qui était là antérieurement au comte de Saint-Germain. Lazare est un phénomène humain qui a un contact michaélien de par la présence rayonnante du Nazaréen. Et lorsque Lazare est réincarné, il est fusionné à Jean le Baptiste pendant un laps de temps. Jean le Baptiste va se séparer de lui dans la région de Patmos et Lazare va disparaître par la suite. Lazare va s'incarner, il ne se réincarnera pas, il va s'incarner du vivant de certains individus. Il va donc faire le même travail qu'est force de Michael, c'est-à-dire qu'il va avoir la capacité de s'incarner à l'intérieur de certaines aristocraties, avoir une entente ou posséder complètement l'ego, la personnalité de certains aristocrates. Et Lazare va commencer à vivre un phénomène d'expérience à travers certains aristocrates pour pouvoir cellulariser, c'est-à-dire qu'il va faire une réincarnation inverse. Au lieu de faire la réincarnation conventionnelle, quels que soient ses différents niveaux, c'est lorsque du monde de la mort vient une mémoire. Tandis, et ça donne de l'expérience au phénomène planétaire, donc à l'être humain qui reçoit des réincarnations mémorielles du monde de la mort. Par contre, Lazare, lui, va descendre dans les êtres humains pour aller se baigner dans leur mémoire, pour ressortir de ces êtres humains-là par la suite en conservant la mémoire. Donc, Lazare, qui est un être humain qui n'a pas suffisamment de classe, va être classifié, c'est-à-dire qu'il va devenir plus classique en baignant à travers la conscience de certains individus. Les premiers personnages que Lazare va aller goûter vont être des personnages romains. Par la suite, Lazare aura un contact avec des personnages qui vont faire référence à la race teutone, donc aux races vikings. Par la suite, Lazare va goûter au peuple russe. C'est-à-dire qu'il va incarner le corps physique de certains grands aristocrates. Il y a eu un tsar, mais ce n'était pas habituellement des tsars, c'était plutôt des personnes proches des rois. Étant donné que Lazare avait besoin d'expériences lui permettant de manipuler des peuples sans être celui qui manipule le peuple. Donc, nécessairement, l'avantage qu'il avait d'être toujours, d'incarner l'expérience vivante d'individus qui étaient au contact des dirigeants, donc des rois ou des tsars, ça lui permettait d'avoir la possibilité de manipuler ces royautés-là sans être le roi lui-même, donc personne ne pouvait l'atteindre. Par la suite, baignant dans l'expérience évolutive de ces différentes formes aristocratiques de leur vivant, alors Lazare descend chez un être humain, vit avec l'être humain un laps de temps, colore un peu l'être humain pour aller, pour expérimenter des choses, pour voir de quelle façon l'être humain va être capable de transformer astralement l'expérience qu'il va vivre. Lazare reçoit donc l'expérience, il réincarne l'expérience de l'humain avant même que l'humain meure et aille dans le monde de la mort. C'est la différence du conte de Saint-Germain, donc de Lazare. Je ne sais pas si on voit bien la nuance, mais au lieu d'attendre que l'individu meure, aille dans le monde de la mort, que la mémoire se réincarne, Lazare descend dans un individu. Donc, incarne l'individu, ce n'est pas une réincarnation. Et il va collaborer avec l'individu, le posséder complètement, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il peut bénéficier, pendant le vécu de l'individu, de la réincarnation, donc de la copie conforme de la mémoire de l'individu, pendant le vécu de l'individu. C'est ce qu'on appelle un walk-in. C'est-à-dire qu'un promeneur intérieur, oui. Oui. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça. Le promeneur intérieur, le walk-in en anglais, c'est celui qui vient prendre possession d'un corps physique alors que l'ego décolle dans le monde de la mort. C'est une transformation, une transposition de corps complètement. Alors, un exemple, un individu très évolué a un accident automobile parce que ça devait arriver pour créer des ondes de forme particulières et le corps physique est inviable. Alors, on a un aide contrôle qui peut rechercher une personne qui veut se suicider, une personne qui a un corps physique en santé, problème d'amour par exemple, et il va aller voir l'individu pour spirituellement ça s'arrange avec lui pour que l'individu se couche une nuit et meure. Alors, pendant que l'individu meurt, on appelle ça un promeneur extérieur, un walk-out. Nécessairement, donc, l'âme va quitter, gagner le monde de la mort sur la direction des êtres contrôle, et notre personne très évoluée dans son corps physique va rendre l'âme, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'en réalité, elle ne la rend pas au ciel, mais elle va disparaître. L'être contrôle va amener ce promeneur intérieur, donc le walk-in, à rejoindre le corps physique de notre athlète, et notre athlète va se réveiller le lendemain matin, et la personne malade va savoir ce qui se passe. Elle est suffisamment évoluée, et on ne fait ça que dans des cas de personnes relativement suffisamment évoluées. Elle saura ce qui s'est passé, elle sera capable de l'accepter, elle aura de la difficulté nécessairement à vivre l'adaptation avec la famille de celui qui, comme tel, est mort sans que le corps soit mort. Et après quelques années, elle aura transformé le corps suffisamment pour que le corps ressemble de plus en plus à celui qui a été accidenté lors de l'accident d'automobile. Selon ce qu'on rapporte, ça prend 2-3 mois avant qu'ils prennent conscience qu'ils sont walk-in. N'a pas le choix parce que l'autre se suicide, il perd l'idée de la conscience, mais ne quitte pas le corps immédiatement, de façon à permettre à la famille de pouvoir continuer à vivre avec l'idée que le bonhomme est toujours le même. Et à travers, lentement, le bonhomme va changer parce que la transfusion va se faire au niveau des consciences. La majorité de ces gens-là vivent seuls, par exemple. Normalement, oui. C'est plus facile au niveau de l'adaptation, mais ça dépend encore, il faut avoir un corps disponible. Est-ce qu'il y en a beaucoup, présentement, des walk-in qui apprennent pas? Walk-in, des promeneurs intérieurs, donc des personnalités qui se sont incarnées dans un autre corps parce que leur corps ne pouvait pas. Il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y en a plus que 2000 aux États-Unis, présentement? À peine. C'est ce qu'on rapporte. Et presque pas en Europe. Pourquoi aux États-Unis et non parce pas au Canada? Parce que les États-Unis d'Amérique, pour la simple raison que, comme souvent, il y a des personnes, bon, c'est des choses qui sont des petits gâteaux, mais quand même. Des personnes qui disent simplement, est-ce que je vais réussir dans cette vie-ci? J'ai souvent les 15 ans. Ça n'a vraiment rien à voir. Si tu es relativement important, on risque fortement de te transformer en promeneur intérieur, walk-in, et de te donner un autre corps à un moment donné. Aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique s'en vont vers une étape de l'évolution de l'humanité qui sera absolument grandiose. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore, on parle du déclin de l'Empire américain, c'est une vraie farce, on parle du déclin d'ancien empire. On parle absolument pas de l'apogée de l'Empire qui est en train de naître. Et les États-Unis d'Amérique auront un rôle extrêmement majeur. L'un des plus grands rôles depuis l'Atlantide, depuis Poséidonis, sera joué par les États-Unis d'Amérique. Et nécessairement, il y a des êtres contrôle qui, assujettis à des forces melchisédiennes, ont orchestré l'incarnation, donc l'empêchement de mourir de certains individus, de façon à ce que l'expérience de vie de ces personnes-là puisse se poursuivre. Pour la simple raison que dans l'ère qui vient, dans les 10-20 prochaines années, on aura besoin d'êtres humains qui auront 150 à 200 ans d'expérience, et nécessairement, pour que cela puisse se faire de façon plus pure, moins colorée que par le phénomène de la réincarnation pluralitaire, il y a des êtres humains suffisamment évolués. Il y a même là-dessus quelques présidents, et des êtres très proches de la hiérarchie qui ont accepté de le phénomène de l'être contrôlé. Certains ne sont pas au courant tout à fait, pour la simple raison que leur degré d'évolution n'était pas suffisamment avancé du point de vue de la conscience, mais suffisamment du point de vue de l'expérience. Et il y en a quelques-uns qui le savent carrément, qui attendent. D'ailleurs, Saint-Germain travaille avec certaines personnes, et puis là-bas, ça se passe déjà. Et toi, tu appelles ça être contrôle. Promeneur intérieur. L'être contrôle, c'est un phénomène énergétique qui est relié au canal réincarnationnel et qui détermine la dose et la qualité, ainsi que la quantité, de mémoire réincarnative qui vont se réincarner chez l'être humain tout au long de sa vie et qui va sortir. L'être contrôle peut donc être celui qui va soit vider carrément l'âme pour laisser quelque chose d'autre rentrer dedans. L'être contrôle est le gestionnaire du walk-in et du walk-out, du promeneur intérieur, du promeneur extérieur. C'est transformant. Oui, c'est celui qui contrôle. OK. Maintenant, on pense connaître la raison réelle de ces walk-ins aux États-Unis, qui serait de diriger le peuple à un certain moment donné. C'est ce que je viens de te dire, c'est qu'on a besoin d'êtres humains hautement expérimentés pour ce qui s'en vient au niveau du travail des États-Unis d'Amérique. Je parle donc de gouverneurs, de dirigeants, de ci, de ça, justement, parce qu'à un moment donné, il faudra des êtres qui vont avoir une expérience de 150 à 200 ans pour pouvoir diriger nécessairement toute la population complète, dans le but de lancer les États-Unis d'Amérique vers une espèce de réforme totale de la planète, de façon à ce que, par la suite, le Québec puisse prendre la relève. J'ai ésotériquement souvent parlé de ce phénomène-là, mais je ne veux pas continuer là. Pourquoi qu'on publie ces informations-là présentement, Daniel? Pour confirmer certains walk-ins, ça c'est certains promeneurs intérieurs. Parce que ces walk-ins-là ont été interviewés et expriment ce qui s'est passé. Ça ressemble pas mal à ce que tu dis. Hein. Donc c'est pas publié dans le Wall Street Journal, mais quand même c'est accessible aux gens qui le veulent. Et apparemment, il n'y en a presque pas au Canada, excepté dans l'Ouest et en Ontario un peu. Non, au Canada, au Québec, surtout, ce sont des réincarnations. Ce ne sont pas des prolongations de vie. Ce sont des réincarnations. Pour jouer un rôle différemment, naturellement. Le rôle va être joué après le rôle des États-Unis d'Amérique. Ils vont commencer. Puis la Russie, là-dedans? La Russie, là-dedans, va être ce qui... La Russie, c'est le détonateur des États-Unis. Au niveau de l'humain, au niveau contact avec une énergie supramentale, est-ce que les Russes n'auront pas une certaine avance sur l'Américain? Ils ont une avance parce qu'ils doivent servir de détonateur, sauf que l'égrégore même de la nation russe ne peut pas supporter une descente massive d'énergie supplémentaire, ce que les États-Unis peuvent faire. Alors, les Russes vont être le détonateur. Les Russes vont être les colonisateurs de la planète et ils vont être un détonateur pour faire lancer les États-Unis d'Amérique à la conquête de ce qu'ils devront faire. N'ayant pas de spiritualité en Russie. N'ayant presque pas de spiritualité. Presque pas, disons, oui. Est-ce que ça ne... Ça ne rend pas la situation plus difficile. Aux États-Unis? Ouais, en Russie. Non, ça la rend plus facile. N'ayant pas de spiritualité, ils ne sont pas pognés par des dieux et idiots et astrales qui vont leur dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Quand l'intelligence va décider que c'est le temps, ben les Russes vont dire « Yeah! » Ils vont se lancer. Les Américains, eux autres, ont besoin d'un détonateur. Les Américains ont de la spiritualité. Les Américains ne feront jamais rien s'ils ne sont pas poussés à bout. Alors, le détonateur américain, c'est l'URSS. Et quand les Russes n'ont pas besoin de détonateur, les Russes, c'est de la poudre, ça saute tout seul. Alors, quand les Russes vont avoir la capacité, vont avoir la petite arme qui leur manque, que l'intelligence va leur donner au bon moment donné, bien, ça va sauter. Et en sautant, bien, ça va faire sauter la Trinité toluelle qui compose les États-Unis, dont la TNT. TNT. Okay. Je suis dans les égrégores militaires, là. On parle de guerre, sans trop en parler. Bon, alors, on continue avec ceci. Comte de Saint-Germain, Lazare Caligastia. Alors, Lazare, c'est intéressant, ça m'intéressait tout à l'heure d'aller fouiller dans ses souliers. Alors, excuse, si je comprends bien, Lazare, lorsqu'il était Lazare, lorsqu'il s'est incarné, il ne l'a pas fait comme un walk-in. Non. Mais plutôt comme un voyageur. Niveau plus évolué. Oui. OK, parce qu'il avait été, il avait passé l'initiation que le Nazaréen lui a fait faire. C'est ça. OK. Là, 100% faire. Est-ce que le Nazaréen le fait faire à d'autres, cette initiation-là? À part peut-être Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, est-ce que... Ben oui, effectivement. Le Nazaréen a fait faire cela à Jean le Baptiste, mais d'une façon qui ne pouvait pas être tout à fait conscientisée par Jean le Baptiste. Lazare, il s'est couché. Et il s'est endormi, c'est-à-dire qu'il a gagné le monde du ciel, il a gagné le monde de l'astral, Et dans le monde astral, donc dans ce rêve extrêmement conscient, il a conscientisé de plus en plus son phénomène astral, à un point tel que lentement, il a désagrégé le corps vital du corps physique, et les individus ont dit qu'il était mort. Mais Lazare savait ce qu'il faisait. Il ne savait pas au complet. Il n'aurait pas pu résister, il n'aurait pas pu s'empêcher de refuser, mais il le savait suffisamment. Par contre, Jean le Baptiste avait extrêmement énormément d'ego, et la seule façon de permettre à Jean le Baptiste, disons à Jean tout court, de pouvoir faire ce genre de phénomène, il fallait absolument l'anégoïser un peu, et c'est pourquoi le Nazaréen lui a demandé, quand ils se sont rencontrés dans le Jourdain, le Nazaréen lui a expliqué des choses. Jean le Baptiste n'a rien voulu savoir. Alors, à un moment donné, le Nazaréen ils se sont engueulés poliment, mais ils se sont engueulés très énergétiquement. Ce que je veux dire, c'était pas de tabarnak de Christ à l'époque, mais c'était énergétique. Alors, ils se sont plus ou moins battus, et puis ils se sont harangués en masse, et puis finalement, Jean le Baptiste n'a rien voulu comprendre. Alors, je pourrais même rajouter pour mon petit plaisir à moi que le Nazaréen a été baptisé, mais c'est parce que le Baptiste, il tirait de l'eau dessus, à cause qu'il voulait qu'il s'en aille, tu sais, mais ça. Alors, la Bible continue à sa manière, là, bon, enfin. Il l'a recouvert d'eau. Ils ont roulé dans l'eau, effectivement. Et puis, finalement, le Nazaréen est parti, sachant très bien que le Baptiste devait passer par une phase de négociation plus radicale parce qu'il avait trop d'ego. Alors, le Nazaréen fait une intelligence qui gère les effusions de contingents michaéliques qui sont organisées pour qu'un certain roi passe à une certaine époque et que le Jean le Baptiste fasse certaines choses. Et puis, finalement, eh bien, à travers des manipulations michaélienne, c'est le Nazaréen qui a tué Jean le Baptiste. Alors, le Baptiste a perdu la tête. Perdant la tête, il a été extrêmement anégoïsé. Et il a été initié comme Lazare, c'est-à-dire qu'il a été ramené sur le plan planétaire dans le corps de Lazare, son corps n'étant pas tellement utilisable au Baptiste. Au moment où le Nazaréen a supposément ressuscité Lazare. Exactement, il a donc ressuscité Jean le Baptiste dans le même corps, temporairement. Donc, de ce fait, le Baptiste a été aussi un initié du monde de la mort, de la descente aux enfers, mais d'une façon qui, encore une fois, pour le commun des mortels, paraît extrêmement cochon et chien. Parce que personne ne se rend compte. C'est évident que le Nazaréen a tout fait pour que le Baptiste meure. Et quand le Baptiste, quand il a demandé à ses disciples, aux disciples de Jean, les deux premiers que le Nazaréen a eu avec lui, que s'il y avait des nouvelles de Jean, ils ont dit oui, il est mort. Le Nazaréen a changé de sujet de conversation et c'est là que le Nazaréen a commencé à travailler avec Lazare son initiation. Et il fallait absolument que le Baptiste soit mort pour que Lazare puisse commencer son intégration au niveau de ce qu'il va faire de lui un initié. Il est rendu à ce point-là, il n'avait pas besoin de demander s'il était mort, il devait le savoir. Oui. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a énormément de confirmations qui doivent être faites dans le monde de la mort ainsi que pour les humains. Alors, en posant la question, il confirmait une chose. Jean le Baptiste, dans le monde de la mort, doit savoir que le Nazaréen sait. Et la seule façon, c'est de le dire. Mais de le dire d'une façon absolument écologique pour certaines particularités du monde de la mort et sans non plus trahir ses propres besoins au niveau du monde de la mort. Alors, de temps en temps, on pose des questions que l'on connaît déjà la réponse, ce qui est mieux. Moi, dans certaines conférences, je vais, pour camoufler certaines choses, eh bien, je vais ésotériquement parler en faisant des erreurs tellement grandioses que la majorité ne les voit pas. Et certaines personnes très raffinées vont les voir. Alors, je peux donner un exemple. Je peux dire, Hiram Abiff, par exemple, a été l'architecte qui a permis la construction d'un grand temple, le temple de Luxangabar. Eh oui. Et personne ne va dire, voyons donc, comment ça se fait? Il est super mental, mais là, il fait des erreurs qu'un normal ne fait pas. Mais ça permet de foquer des choses au niveau des plans astro, puis ça permet de mélanger les cossins, puis des cossins qui me font moins confiance, puis on me laisse plus en paix, tu sais, c'est ça, c'est bon. Alors lui, il s'amuse un peu comme ça. Le Nazaréen. Donc, Lazare, de tête en tête, de bonhomme en bonhomme, finit par donner l'impression qu'il a vécu sous différents noms, sous différents corps. Tu connais le conte, les noms, je les bafouille tout le temps, mais pas Strogoth, mes proches, là. Qui a été une incarnation très, très longue du comte de Saint-Germain, mais en réalité, ce n'était pas le comte de Saint-Germain, c'était Lazare. Lorsque Lazare a ramassé suffisamment d'expériences, ses dernières expériences ont surtout été au niveau des nations slaves. Et lorsqu'il a été suffisamment expérimenté, il a incarné le corps d'un bébé. Un bébé qui était plus ou moins idiot, un bébé qui a été abandonné d'ailleurs par ses parents. Juif. Il a été abandonné par ses parents, et puis il a eu ses premières expressions ou expérimentations Saint-Germiques en tant que comte de Saint-Germain à partir de cette étape. Et par la suite, l'humanité l'a connu sous le nom du comte de Saint-Germain. Il a conservé éthériquement la forme de ce corps à travers certains temps. Alors, il a vécu, il a visité l'Angleterre, il a visité une grande partie de l'Europe, il a visité aussi les États-Unis d'Amérique. Et pardon? C'est l'Himalaya. Les Himalayas, ouais, ça va de soi, le Tibet, au Compagnie l'a passé, la Chine aussi, l'Inde et l'Égypte. Et lorsque l'on parle du comte de Saint-Germain, par rapport à Lazare, c'est le comte de Saint-Germain. À l'instant où le comte de Saint-Germain est en train de se parfaire, alors il y a un autre comte qui vient le suppléer un peu. Et il y a deux personnes qui vont venir l'annihiler de temps en temps. Il y aura eu donc Caligostrio. Caligostro, oui. Caligostro. C'est un disciple de Saint-Germain. Oui, mais c'était un disciple c'était pas un disciple de Saint-Germain. C'était un têteux, c'était un suiveux de Saint-Germain. Saint-Germain n'a jamais eu de disciple. Et on en a eu un autre qui aussi est relativement connu. Il a fait subir des initiations à Caligostro. Oui, il a écœuré énormément. On parle d'initiation, mais... Tu sais, moi, j'ai fait subir une initiation, c'est que c'est un opéro avec moi, à un moment donné, à Cerro de Pasco. Je leur ai dit, allez donc voir là-bas, si vous ne pourriez pas trouver un taxi. Du moment qu'il y a un dos viré, je me suis poussé. Je les ai laissés là, ils étaient toujours dans mes cannes. Ah, c'est une initiation. Mais de leur point de vue, c'était peut-être un peu un écœurement. Mais ça, alors, on rapporte qu'il y a eu un grand changement après cette rencontre avec... Oui, il y a eu le phénomène de la prison qui a changé des choses. Oui. Et puis, mais il y a eu des mélanges aussi. Mais Saint-Germain s'est fait posséder un bout de temps. Il y a eu des épreuves style satanique nazaréenne, comme le Nazaréen a eu dans le désert. Alors, il y a eu des... Descente aux enfers? Non, il n'y a pas eu une descente aux enfers en tant que comte de Saint-Germain. Il l'avait déjà eu en tant que Lazare, mais il fallait simplement qu'il finalise la destruction totale de son ego, l'anégoïsation complète et le début de l'impersonnalisation. Tout à l'heure, j'ai dit que le comte de Saint-Germain était un des rares qui n'était pas tout à fait impersonnalisé, mais qui était proche. Et par la suite, Saint-Germain est devenu le contrôleur du bien et du mal. Donc, il reléguait Caligastia et tous ces phénomènes carrément très loin. Depuis Saint-Germain, Satan, on n'en parle à peu près pas, et Caligastia non plus, ainsi que tous les princes qui y ont passé avant lui. Présentement, le prince par délégation sur notre planète, c'est Saint-Germain, qui est une condition, et non pas un être humain avec un chapeau, mais qui est une condition planétaire. Saint-Germain, d'ici peu de temps, va disparaître, c'est-à-dire que présentement, il est incarné, il va finir certains travaux, et à son tour, il va déléguer, et il va disparaître dans la brume de l'évolution. Ah, voilà, ça répond à la question. Je n'ai pas voulu trop pousser. Hein, c'est pour ça que je parlais lentement. Bon, je vais ouvrir mon parachute. Lorsqu'on parle d'Adrian, qui est le nom cosmique de Saint-Germain, est-ce que... Surtout présent... lorsqu'on n'en parle pas. Pardon? est-ce qu'il y a une relation avec son nom présent? Oui. Est-ce qu'il patauge au Québec, de ce temps-ci? Il patauge aux États-Unis dans deux petites localités, puis de temps en temps, il patauge au Québec, mais il patauge surtout aux États-Unis. Il patauge au Québec sur différents plans. Oui, c'est ça. Mais physiquement, aux États-Unis, oui. Dans le Middle West américain? Ah, ça le regarde. De toute façon, tu connais les réponses. Faut que j'y pose pour les connaître. Bon, ben c'est ça. Tu l'as rencontré quand? Je ne l'ai pas rencontré. Non, hein? Vérifiant. Moi, de savoir qu'il y a des hauts après des bas, après les bas, ça ne m'encourage pas du tout. Parce que je sais qu'après le haut, c'est le bas. Le chantage astral joue au yo-yo avec l'âme et plusieurs fois par jour. Dire après le plus le beau temps, c'est des clichés, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai que les souffrances passées n'étaient pas si pires. La souffrance est toujours dégueulasse. Sauf qu'on le laisse ignorer à l'homme, comment ne plus servir de yo-yo astral. Bon, alors, pour une personne ici qui souffre encore des souffrances du passé et qui est dans un écœurement relativement intellectuel quand même des choses, même s'il y a un peu d'écœurement émotif, tout ce que je peux répondre, c'est premièrement, il faut comprendre que de toute manière, il y a l'animal humain qui doit sécréter. Alors, le haut et le bas, c'est pour sécréter l'animal humain. Quand on expliquait tout à l'heure des solutions, c'est évident que si un être humain se fait dire « Ah, oh, ben priez, moi, je ne crois pas à ça. Ben, prie pas. Après, ça va aller mieux. Oh oui, après, ça va aller plus mal. » Correct. Fait que dans ce temps-là, on peut suggérer à l'être humain « Bon, ben mangeons de la marde. » C'est ce qu'il aime faire. L'être humain qui se dit simplement « Oui, ça ne me sert à rien de manger du steak, mais on va avoir encore faim demain matin. » Mais mangeons donc pas. C'est simple. Il n'y a rien à faire, c'est simple. Alors, il faut qu'on comprenne qu'on est dans une vie sinusoïdale et que nécessairement, il y aura des hauts et des bas. Et que le haut et le bas, chez beaucoup, est comme cela, mais chez beaucoup d'autres, c'est comme ceci. Alors, nécessairement, c'est un haut et un bas du point de vue de, par rapport à la différence de potentiel, à la comparaison. Alors, la souffrance est toujours dégueulasse, absolument pas. La souffrance, c'est un concept de l'homme, parce qu'en réalité, l'être humain ne souffre absolument pas. Par contre, le concept, l'homme lui-même est absolument dégueulasse. C'est l'être humain lui-même qui engendre ces concepts-là. Parce que l'être humain va absolument mémoriser tout ce qu'il expérimente. Ce qu'il expérimente, qui ne fait pas son affaire, le mémorisant, il en souffre. Il cesse donc de le mémoriser. Si je te tords, si je te crève un œil, puis qu'au fur et à mesure que je renfonce mon aiguille, tu l'oublies, tu ne sentiras jamais rien. Puis une fois que tu as l'œil crevé, ben, tu ne sauras même pas que tu en avais deux avant. Franchement, tu ne souffres même pas non plus. Mais parce que l'être humain s'attache énormément, énormément, énormément. J'ai rencontré dernièrement un animateur de radio qui boite depuis son enfance, une maladie qu'il a eue. Il dit, moi, je suis handicapé. J'ai dit, crime, t'es pas handicapé pantoute, c'est nous autres qui sommes handicapés. On devrait tout avoir trois bras, pas même deux. Mais là, évidemment, parce que lui boite et parce qu'il se compare à la majorité, lui est handicapé, pas nous autres. On peut s'amuser énormément au niveau des concepts de l'humain. On est très, très bien, puis on est très, très mauvais. On est très, très, très, très parfait, puis on est très, très, très, très, très, très idiot. Mais ça ne change rien. Sauf qu'une chose certaine, c'est qu'il y a l'ego à travers l'homme, l'ego qui vit de concept en concept. Et là, la question, les réponses qu'on a données tout à l'heure au niveau de dire, elle dit, par exemple, la personne après la pluie, le beau temps, c'est faux. Ben, il se trouve que jusqu'à date, quand après la pluie, il y a eu le beau temps, n'est-ce pas? Bon. Oh, après ça, il pleut encore, je comprends. Mais j'aime autant, moi, qu'il pleuve de temps en temps. Ça me permet, pendant le beau temps, de me faire un parapluie ou un imperméable, ou de me faire une maison, que s'il pleuvrait tout le temps. Alors, même si après un trou, ça va mieux, mais pendant que ça va mieux, c'est là qu'il faut évoluer. Alors, que la personne qui veut régler son problème, tout ce qu'elle a à faire, c'est que quand ça va bien, c'est là qu'elle doit évoluer le plus. L'humain a toujours... L'humain est un imbécile. C'est pas de sa faute. Mais il exprime un phénomène qui lui-même considère comme imbécile. L'humain va dire, le yo-yo, c'est imbécile. Oui, mais c'est lui qui joue le yo-yo. Donc, l'humain joue un phénomène imbécile. Je parle de l'animal humain, je ne parle pas de l'être humain. C'est évident que l'intelligence dans l'homme n'est pas imbécile. Par contre, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que chaque fois que ça va bien, on s'écrase. Ça va bien, ça va bien. Alors, excuse-moi, quand des personnes viennent ici au centre, tu sais, depuis 4 ans, 4 ans et demi, les gens qui viennent au centre, des gens qui ont des problèmes. Oh, des problèmes mineurs, des problèmes majeurs, mais des problèmes. On a des personnes qui viennent, quand ils commencent à bien aller, disparaissent. 2 ans après, on les voit revenir. Ils sont encore aussi mal pris qu'avant. Et c'est ce qui arrive. Quand tout va bien, les gens n'évoluent pas quand tout va bien. Pff, évolution, oui, oh, évolution, viens de gagner le tri, évolution, mon œil. Bon, tout va bien, merveille, pas de problème. La seule manière de faire travailler l'humain, c'est quand ça va pas. Là, l'humain fuit la souffrance, fuit la douleur, fuit l'écœurement, fuit les problèmes, fuit la peur. Et si l'être humain, quand tout va bien, continuerait à travailler? Alors, pendant l'illusion de la crise économique, il paraît qu'on a eu une crise, une récession économique ici, il y a quelques années. Là. Bon, il paraît qu'on a eu une récession économique. Là. On allait encore au cinéma, on achetait encore nos cornets, mais on avait une récession économique. C'est pas pire. C'est une bonne récession économique. Là. Oui, mais elle n'était pas prononcée comme qu'on l'a connue déjà. C'est ça, mais c'est une récession économique absolument paniquante pour l'humain. Les jeunes, avec leur corvette, disaient qu'il y avait une récession économique. Bon, c'est bien, c'est bien. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que les centres spirituels ont monté. Il est arrivé que les centres de conférences ont monté. Que tout ce qui a rapport à l'évolution de l'être humain, ah là, ça l'a monté. Après la récession économique, ben, tout a baissé. Alors pourquoi il y a des hauts et des bas? C'est l'humain qui veut ça. Quand ça va bien, tu continues à travailler. Tu continues à en profiter pour travailler. Tu as de l'argent à rendre, t'en mets pour évoluer. Tu n'auras jamais de bas. Le bas n'existe plus. Mais parce que quand ça va bien, tu ne crois plus à rien. Puis quand ça va mal, ben là, il faut bien que tu t'accroches. Ben c'est nécessaire qu'il y ait des hauts et des bas. Ben, quand l'individu va trouver suffisamment dégueulasse ses trous et ses souffrances, il va falloir qu'elle s'organise simplement pour que quand ça aille bien, elle travaille. Mais là, il va dire, oui, mais présentement, ça va mal. Puis ça va mal depuis 2 ans. Alors, comment faire pour, je ne sais pas, pour attendre que ça aille bien? Ben oui, justement, on attend que ça va bien. Puis quand on parlait tout à l'heure, on parlait du mur total de l'individu qui est dans un impasse magistral, ben il n'y a rien à faire, c'est parce qu'elle est un peu trop puissante. Et là, l'individu dit, oui, mais c'est contradictoire. Je suis trop puissant, c'est pour ça que je suis plus bas que ceux qui sont moins puissants. Exact. Tu es trop puissant, c'est pourquoi. Prends l'exemple, tu as connu, toi, à un moment, tu n'as pas connu, mais tu connais, mais tu ne l'as pas connu. Un bonhomme qui. Les compagnies à travers la planète, et du moment qu'ils savaient qu'un gars parlait de rentrer l'ordinateur, ils clairaient, ils mettaient dehors. Bon. Et la seule compagnie qui a résisté, qui a effectivement réussi à prouver que l'informatique était bon, c'était IBM à l'époque, et puis qui est devenu le standard planétaire, et puis maintenant c'est relativement bon, mais lui était convaincu que les compagnies qui rentreraient l'informatique seraient toutes faillites. Il avait raison. C'est un peu le même phénomène. Alors, les individus se font mettre à la porte, mais c'est simplement parce qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande. Et l'individu est toujours confiné à être... l'intelligence, qu'est-ce qu'elle fait l'intelligence? Elle vient vérifier. Alors, à un moment donné, quand un individu est trop puissant, dans cette compagnie-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait dehors. Il ne mettait pas tout dehors. Un directeur général d'une compagnie parlait de rentrer l'informatique de la compagnie. Alors, il allait le voir, puis il disait qu'il fallait pas. Là, six mois après, il y a un inspecteur qui passait, puis le gars en parlait encore. Qu'est-ce qu'on faisait? Mais lui, il mutait le gars. Il mutait le gars d'un poste qui portait le même nom, pas trop brimer le gars, mais c'était un poste inférieur. T'es le deuxième directeur, on te peut d'une compagnie où t'es le 150e directeur. T'es au même niveau, mais là, la compagnie plus grosse. Alors, le gars peut plus rien faire. C'est exactement le même phénomène. Alors, quand l'être humain est trop puissant, puis qu'il peut nuire, eh bien, on le place de façon à ce qu'il puisse pas nuire. Et l'individu qui évolue est souvent sujet à être malade ou à être pauvre, ou à être extrêmement malmené, pour la simple raison qu'il ne fait pas convenablement ce qu'il doit faire. On a des personnes, regarde par exemple, on a une structure de cours, disons, en forêt. Il y a des individus qui vont dire, oui, tu sais, mais pendant qu'on court dans le bois, on devrait travailler, faire de l'argent à la place. Sauf qu'on ne sera pas malade à courir dans le bois. On va évoluer, on va changer, on ne dérangera personne, on ne manipulera pas la planète, on ne va rien faire temporairement. Puis quand ça va être le temps, les choses vont venir. On est en santé, en tabarnouche pour en profiter. Par contre, on peut faire une autre chose, c'est de faire comme beaucoup de personnes qui évoluer dans un bureau à place. Et là, tu deviens en bon point. Comme dernièrement, je voyais quelqu'un, je dis là, tu as l'air d'un homme d'affaires engraissé. Et là, ton veston te fait mieux. Mais pendant ce temps-là, le problème qu'il y a, c'est qu'il travaille autant. Il travaille autant que nous autres en pleine forêt, mais il ne fait pas plus d'argent. C'est pas le temps qu'il fasse de l'argent. Quand il va commencer à faire de l'argent, on va avoir la santé, on va avoir un cerveau suffisamment oxygéné parce qu'on va avoir un cœur qui va pomper comme il faut. On va avoir un système endocrinien drôlement solide. On va avoir travaillé à l'ombre. Alors, si on peut évoluer à l'ombre, ça va. Comme là, je suis en train d'écrire un paquet de livres. Mais ces livres-là, je les atténue. Comme là, il y a un livre, De la naissance à la mort, tome 1. Très puissant. Mais je voulais le sortir cet automne. Il va sortir cet automne. Mais possiblement après deux ou trois autres livres. Et puis, je verrai encore. Les gens peuvent dire, ouais, mais t'es menteur. Non, j'ai dit cet automne. Mais j'ai pas dit quelle année. Tu sais, moi, le temps, j'ai. Bon. Mais le livre est fini. On doit attendre. Je ne veux pas être malade. Ça ne sert à rien de sortir un livre qui ne passe pas nulle part, carrément bafoué. C'est de l'énergie gaspillée. Alors, on sort un autre livre comme Vivre d'un amour intelligent. Ah, ça va marcher. Mais très, très, très, très, très psycho-spirituel. Et là, il y a des gens qui connaissent Daniel Kemp qui vont dire, voyons donc, qu'est-ce qu'il prend? Tu veux le livre qu'il écrit? Bien, c'est ça. Le livre, il l'a écrit pas pour vous, pour le public. Mais il y a des gens qui ne comprennent rien. Alors ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'un individu qui se ramasse dans un trou, il peut être extrêmement puissant. Il y a des fois que je dis à des personnes qui ont des gros problèmes, c'est justement ça que je leur dis. C'est parce que tu es important. Tu es rendu puissant. Puis là, bon, puissant. J'aimerais autant être pas puissant et être malade. C'est une question, une chose niaiseuse, ce que tu dis là. T'as pas le choix, t'es puissant, ferme ta gueule. Bon, ferme ta gueule, prends tes pelules. Oui, mais ça aurait été mieux. C'est quand un individu. Qu'est-ce que vous voulez vous répondre? Souvent, on vient me voir. Oui, mais tu penses pas que ça aurait été plus intelligent si le Créateur nous aurait fait. Bien, vite, moi, vous répondre. Oui, ça aurait été plus intelligent. Je m'en allais. Ben, finalement, certains individus ne comprennent pas. Tête bête. Pile ou face. Oui, ou tranche. Alors, le fait qu'il y a le beau temps après le mauvais temps, c'est vrai. C'est les périodes de répit pour nous permettre de prendre des vacances. Tout à l'heure, ce que j'ai expliqué, c'est une manière de prendre une vacance intelligente, de ne pas avoir de bas-fonds, de ne pas être acculé au pied de certains murs, à l'exclusive condition qu'on ne désire pas totalement faire en sorte que ce que nous vibrons du point de vue de l'ego s'accomplisse. Les choses vont se faire, on doit attendre. Et on doit attendre certaines choses. Comment on vérifie? On vérifie. Moi, j'ai la capacité de vérifier sans erreur certaines choses. Mais quand ça s'adresse à un paquet d'humains, on peut me poser la question, par exemple, mais là, la fraternité, là, ça a l'air à marcher, là, penses-tu que c'est le temps qu'on se lance? Ça ne me regarde pas. Ça regarde l'humain. Si la fraternité décide d'eux, ils décideront d'eux. Si j'embarque, c'est que c'est bon, je suis dans la fraternité, mais si je commence à travailler d'une façon plus exhaustive, c'est que c'est bon. Si je suis tempéré, c'est que j'attends, et je n'irai pas dire à personne ce qu'il doit faire. Sauf que lorsque l'être humain, il ne vérifie jamais rien. L'être humain qui a l'idée de faire quelque chose, il se lance. Il ne vérifie pas. Il ne vérifie rien. Ça n'en prend qu'il ne vérifie pas, parce que vraiment, il n'y a rien qui se ferait. Non, ça en prend qu'il vérifie. Oui. Mais pas du point de vue astral. Si tout le monde vérifierait, tout se ferait, dans le bon temps. Il y a toujours la nuance entre celui qui a passé 50 ans à travailler pour arriver, puis l'autre qui arrive en deux semaines. Les deux sont arrivés en même temps, c'est normal, les deux devaient arriver en même temps, mais il y en a un qui n'a pas compris, fait qu'au lieu de prendre des vacances, il a travaillé comme d'arrache-pied pendant un grand bout de temps. Mais on parle de vérification supplémentaire, pas de vérification astrale. Si tout le monde se mettrait à vérifier astralement, tout le monde aurait peur, personne ne ferait rien, ça va de soi. Par contre, je parle de vérification supplémentaire, mais l'humain ne vérifie jamais convenablement une chose. L'humain fait une étude de marché, mais ce n'est pas une étude de marché qu'il faut faire. Combien d'humains sur la planète peuvent vérifier supplémentairement? Pas beaucoup. C'est pour ça qu'il ne peut pas vérifier. C'est pour ça qu'il se casse la gueule aussi. C'est pas. C'est pour ça qu'il se casse la gueule aussi. Oui, parce qu'il ne peut pas. Il y a une substance, je pense, Daniel, qui fait que, comme la question de la personne là, qui vient de répondre, là, qui fait en sorte que cette personne-là n'est pas capable d'oublier la souffrance. Puis il y en a d'autres qui l'oublient facilement. Et des fois, des très grandes souffrances sont oubliées facilement. Oui, c'est sûr. Il faut qu'on apprenne à changer son passé. Moi, j'ai jamais souffert dans ma vie. Tout à l'heure, on me demandait comment j'ai passé ma phase de négociation. Je ne m'en rappelle même pas. J'ai déjà fouillé. Moi, aller fouiller dans ce qui m'intéresse, ça va être très bon. Et pourquoi est-ce que, qu'une personne, je trouve ça malheureux, moi, une personne... De l'intellectualisme. ...qui souffre pendant longtemps, comme ça. On en arrive, l'ego, l'anti-homme en arrive dans l'évolution à faire en sorte que toute l'âme au complet finisse par haïr la vie. C'est une des bonnes manières de préparer au suicide pour tuer le corps physique pour intégrer le monde de la mort. On ne doit pas haïr la vie. Dans le monde de la mort, c'est pire. Alors, on doit rester vivant. Mais dans la vie, on est conscient. Mais on est conscient, mais c'est pas pire, on est conscient. C'est pour ça que ça semble pire. On est conscient. Mais l'être humain peut changer son passé comme il le veut. Sauf qu'il y a des personnes qui ont un ego très puissant, un anti-homme très, très, très solide, et ils ne veulent pas changer leur passé. Quand tu dis changer son passé, tu veux dire l'oublier. Non, le changer. Le rêver. Non, le changer. OK, explique-moi ce que tu entends par changer de passé. Bien, avoir un autre passé. Ça, t'en visionner un autre, t'en monter un autre dans tes pensées. C'est identique à celui que tu penses avoir. C'est identique à celui que tu penses avoir. Je m'excuse, je la crois, je la comprends pas du tout. Quand tu t'inventes un autre passé, oui. Il est aussi stable, aussi solide, aussi véridique que celui que les gens disent ne pas avoir inventé. Absolument. C'est ça. OK. C'est pas rêvassé. Mais tu promets d'oublier? Passer à d'autres choses, faire d'autres choses. Oui, mais étant donné que tu ne peux pas oublier, mieux vaut t'inventer un nouveau passé. Okay. Comme moi, j'ai plus le passé, je peux t'en inventer un si tu me poses des questions, mais je n'ai pas de passé. Parce qu'effectivement, je n'en ai pas. Il est résorbé. Je peux en inventer un pour faire plaisir à des gens. Comme des fois, de toute façon, quand on me pose des questions, M. Kemp, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites? Là, je regarde le cadran, je me regarde les orteils, j'essaie de trouver de quoi pour répondre, puis là, je leur explique que j'ai voyagé, je me rappelle à peu près même plus où. Plus proche, c'est le Pérou, mais des fois, j'oublie le Salvador, j'oublie le Mexique, j'oublie le Guatemala, je ne me rappelle même plus les villes que j'ai été. Et puis, j'explique, j'essaye de fouiller, puis quand j'ai fini, je leur dis, puis tout ce que j'ai fait là, c'est pas ça qui m'a amené à être ce que je suis. Ah bon, bien, vous avez appris à suivre vos cours où? École secondaire Henri Bourassa. Ah là, c'est con de parler du passé, et nécessairement, je ne peux pas en souffrir. On change son passé. Mais il y a des humains qui, j'explique ça aussi de temps en temps, qu'il y a des humains qui veulent avoir une évolution méritoire. Et il y a même ceux qui veulent avoir une évolution non méritoire, mais qui continuent à se plaindre régulièrement, c'est ça. Quand je faisais du judo, moi, je me faisais mal à un orteil, je disais rien. J'avais 12 ans. Et puis je me battais, je mangeais des volets, j'avais des lunettes. On me cassait mes lunettes, 2, 3, 4 places. Dans une soirée, ça m'est déjà arrivé, parce que mon professeur était un petit peu cochon, et puis il m'a prêté sa ceinture noire. Puis à la fin du cours, on sautait tout sur le prof, mais c'était un gros gars bâti. Et puis là, on a fini le cours, et puis le prof a dit « Sur le prof! » Il avait ma ceinture orange, moi j'avais sa noire, donc il a tout sur moi, puis il a cassé mes lunettes à 3 places. Bon, au milieu, ici, puis en arrière là-bas. Mais c'était intéressant, je me plaignais pas. Je disais rien. Et puis, j'étais dans des compétitions, j'avais mal partout, des bleus, des éraflures sur le tapis, tu t'arrachais les bouts de peau, puis le kimono qui te défaisait tout le cou, les kimonos neufs, là, c'est râpé comme des... Bon. Et puis, à un moment donné, mon prof, il me dit « Bon, c'est à ton tour encore. » Fait que là, je dis « Ah, tabarnou, j'ai mal au poignet, fait que je peux-tu... Là, il tabarnak! Puis là, il se met à crier, mais c'est un gars génial. Il dit, t'es le seul, Asti, qui se plaint pas dans cette classe-là, t'es pas pour commencer. En tout cas, j'ai pas continué. Bien, effectivement, je ne souffrais pas de mes souffrances, parce que j'ai oublié. Mais tout le monde se plaignait tout le temps. Et lentement, j'ai tenté ma chance. Il ne me l'a pas laissé tenter longtemps. L'être humain qui vit continuellement en méditant ce genre de passé idiot, Il y a un gros problème. On peut inventer, on peut oublier, mais on peut inventer un passé. Quel âge avais-tu à ce moment-là? 12 ans. OK. T'as, par pur hasard ou non hasard, à ce moment-là, compris et appliqué des choses que des gens qui ont 50 ans aujourd'hui n'ont pas appliqué encore ou n'ont pas compris. Ça va de soi, ils sont plus jeunes que moi. Il faut leur laisser le temps d'apprendre. Oui. Mais toi, lorsque tu as vécu ça, comment est-ce que tu voyais ça? J'ai pas eu le temps de voir grand-chose avec l'énergie que j'ai eue dans la face. Tu n'avais pas conscience. Ça s'est fait comme ça, ça s'est installé. Non, c'était logique, évident, très conscient chez moi, puis j'ai effectivement compris tout ce qu'il voulait me dire, en fait, tout ce qu'il voulait me crier. C'était clair, net et précis. Mais depuis ce temps-là, lorsque tu oubliais tes bleus, là, c'était-tu fait consciemment, ça? Mm-hmm. Jusqu'à un moment donné où les bleus disparaissaient, ils m'oubliaient tout aussi. Sauf que l'être humain doit se brancher sur quelque chose. La question ici, elle est lancinante et pénible. Et là, c'est pas l'individu qu'on parle, c'est de la structure astrale qui croit cela. Moi, de savoir qu'il y a des hauts après les bas, ça ne m'encourage pas du tout. Et vu que ça ne l'encourage pas du tout, ça le décourage même. Parce que je sais qu'après le haut, c'est le bas. Le chantage astral joue au yo-yo avec l'homme et plusieurs fois par jour. Mais c'est normal, il ne joue pas au yo-yo avec l'homme, c'est ce qui permet à l'être humain de cellulariser un corps physique qui va être capable de supporter l'intelligence. Alors, c'est sûr qu'on peut laisser le gâteau pas cuit, puis le laisser là, puis le laisser tout croche au travers, mais c'est mieux vaut le faire cuire à un moment donné. Dire « après la pluie, le beau temps », c'est des clichés. Mais c'est pas des clichés, c'est réel. C'est réel au niveau astral, au niveau de n'importe quoi, ça permet des breaks. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas vrai que les souffrances passées n'étaient pas si pires. Mais non, quand on dit « les souffrances passées étaient dégueulasses », c'est quand on les voit aujourd'hui. Bien souvent, les humains vont dire « ouais, mais tu sais, c'était pas si pire que ça, on en rit aujourd'hui, mais quand même à l'époque, justement, c'est en rit aujourd'hui, c'est intéressant. » Et puis, c'est sûr qu'on peut se dire, dans le passé, c'était aussi pire que maintenant, c'était terrible. Bon, parfait, c'était encore bien plus motivant. C'était pire, c'était terrible, puis je m'en suis sorti. Bon, si vous voulez. La souffrance est toujours dégueulasse. Dégueulasse, c'est pas un point de vue émotif, ça? Dégueulasse, ça fait dégueuler, donc ça fait vomir. Point de vue hautement émotif, c'est extrêmement pénible de dire ces choses-là. Sauf qu'on le laisse ignorer à l'homme. Non, c'est pas vrai. C'est comme de dire présentement, là, je souffre peut-être, mais je le sais pas. Maudit que c'est chiant! Bon, comment ne plus servir de yo-yo astral en devenant un être humain? Finir de rester assujetti à l'évolution de l'animal humain. Et ça, veux pas, tu diras ce que tu voudras, mais ça prend une bonne dizaine d'années avant que la transition s'opère, avant que le monde de la mort soit suffisamment au courant que tu n'es plus un animal, que tu es un être. Ils savent pas. Faut leur dire. C'est qu'il faut faire, justement. Leur dire. Comment leur dire? Leur dire. Présentement, il y a beaucoup trop d'égo qui peuvent écouter ce que je dis puis qui vont s'essayer tout croche au travers et puis vont simplement s'enfermer. OK. On va changer de domaine. Qu'est-ce que la sexualité supramentale? Il faut fouiller mes mémoires. J'ai fait plusieurs conférences sur la sexualité de l'évolution, la sexualité de l'homme nouveau et ces choses-là. Alors, la meilleure chose, c'est de se référer à une de ces cassettes-là. J'en parle suffisamment. On a du temps, mais disons que présentement, ça serait retourné en arrière énormément. Puis là, je suis dans un élan d'avant. Non. À moins que tu la reposes différemment, mais j'ai lu ce papier-là souvent. Mais pas lui, là, mais... OK. Bon, la sexualité supramentale, de quelle façon que ça peut se manifester, une sexualité supramentale? Cassette, France, quoi, ça? Oui? Moi, je les écoute pas, tes cassettes. Mais lorsqu'on pose cette question-là, la sexualité supramentale, c'est un contact télépathique total à partir du point de vue séraphique de l'âme entre tous les corps séraphiques, donc entre tous les périsprits de l'âme. Ah bon, moi je pensais que ça voulait dire la sexualité. Quoi? Faire l'amour en faisant une conférence? Qu'un corps physique... Avec sa femme? Faire une discussion supramentale pendant qu'ils font l'amour? Qu'un corps physique fait l'amour, un corps physique d'un être qui est... Non, un homme nouveau n'a aucune relation sexuelle. Un homme nouveau n'a aucune relation sexuelle. Il n'a aucune relation corporelle avec personne, c'est inutile. Oui, ça dépend ce que tu entends par nouveau, c'est ça. Ça dépend ce que tu places le nouveau. Moi, je sais que les personnes transitives et anciennes n'ont pas hâte. Mais... rendu au niveau du corps de lumière, c'est sûr, parce que quand tu dis ça, c'est évident, mais... La mécanicité melchisédienne est-elle transférable sur un plan plus épuré? Mais là, il faut faire attention parce que la question est extrêmement mal posée, étant donné que le plan plus épuré, on parle de référence, et comme on ne donne pas les critères de référence, plus épuré que l'astral, plus épuré que le mental, plus épuré que le supramental, plus épuré que le plan bouddhique, plus épuré que le plan divin. Or, la personne, il faudrait qu'elle s'arrange à un moment donné juste pour clarifier un peu plus ce genre de question qu'elle pose. La mécanicité melchisédienne est-elle transférable? La mécanicité melchisédienne n'est pas transférable. Par contre, si l'individu veut savoir s'il y a des correspondances autres que melchisédiennes dans d'autres niveaux d'expression énergétique, en termes de catalyseur d'évolution, il y en a un seul qui peut se rapprocher. Non, il y en a deux qui peuvent se rapprocher. Un autre ordre qui est exprimé dans la cosmogonie d'Urantia et il y a le phénomène de l'ajusteur de pensée. Les planètes énergétiques non identifiées. interfère-t-elle sur la concordance connue des planètes identifiées symboliquement? Oui. Quelle est la correspondance cosmique et supramentale et bouddhique de la transformation énergie au centre via Daniel Kemp et via le retrait de tous les professeurs? Bon, il y a des personnes, évidemment, qui ont des choses qu'ils ne savent pas. Quelle est la correspondance cosmique et supramentale et bouddhique de la transformation d'énergie au centre via Daniel Kemp et via le retrait de tous les professeurs? Alors, si on parle, des professeurs du PMC à l'époque, qui continuent encore à suivre des cours ici au centre et certains en continuent à en donner, il n'y a pas eu de retrait. Il y a eu retrait de certaines formes de formules depuis le déménagement et c'est essentiel que ça se fasse. Alors, il y a des individus qui ont travaillé avec certains de ces professeurs, qui sont toujours là. Il y en a d'autres qui vont les rencontrer aussi. Donc, il n'y a pas eu de retrait de tous les professeurs du centre. Ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. Mais c'est des transformations qu'il fallait qu'ils soient faites du point de vue de l'occulte. Et il y a des choses qu'on devait digérer qui ont été digérées. Pour le reste, ce n'est pas quelle est la correspondance cosmique et supramentale et bouddhique de la transformation d'énergie au centre via Daniel Kemp. Eh bien, ce sont des choses. La question est trop mal posée pour que ça me fasse grimper. Et de temps en temps, tu essaies de poser des questions comme ça, et puis c'est la même chose. Donc, ce n'est pas pour insulter la personne, c'est que j'ai fait tout pour ne pas y répondre. Alors, quand on pose la question d'une façon attrape-nigo, bien, le nigo répond. Un événement intéressant vécu sans sécrétion est-il mécaniquement d'ordre supramental? Non. Par contre, il est sentimental, c'est-à-dire qu'il est relié au niveau du sentiment, donc il est d'ordre vital, ce qui veut nécessairement dire que cet événement nourrit le corps vital. Et si l'individu a un ajusteur de pensée, ça permet un meilleur contact avec son ajusteur de pensée. S'il n'en a pas un contenu, disons, suffisamment élaboré, il va l'établir. Et s'il a un ajusteur de pensée suffisamment convenable, eh bien, l'individu est en train de créer ce qu'on appelle le dos éthérique, qui est en train de commencer à transpirer son énergie. Ce n'est pas supramental, c'est humain, c'est planétaire, mais c'est relié à l'homme nouveau. La vie est comme un ensemble de points lumineux sur un écran cathodique. Lorsque ces points, en prenant de la place, seront parvenus à occuper tout l'écran, sera-ce le temps de renverser le processus? Ça. Mais ça va être le temps de renverser le processus parce que le processus va commencer à se renverser. L'astral qui est puissant ne peut-il pas aussi contrôler l'antenne ou la prise de poisson? Poisson? Oui. Le gars riche pour pêcher en arrière pour savoir s'il doit aller fumer une cigarette. Ah oui. Ici, de toute façon, l'astral est contrôlé par l'intelligence. Ne peut-on pas procéder à pile ou face sans danger? L'astral est contrôlé par l'intelligence dans ce qu'elle ne peut pas faire. Elle n'est pas contrôlée par l'intelligence dans ce qu'elle peut faire. L'astral qui est puissant ne peut-il pas aussi contrôler l'antenne de la prise de poisson? Non. Pour la simple raison que l'astral est extrêmement puissant, aussi puissant qu'une charge de dynamite. Et l'intelligence supramentale est l'équivalent d'une bombe nucléaire, même thermonucléaire, comparativement à cette charge de dynamite. Mais on doit posséder par les bonnes choses. Quand tu joues avec de la dynamite, la nitroglycérine, bah, évidemment, tu n'attends pas à avoir une fission nucléaire. Donc, nécessairement, la question doit être posée en fonction d'une réponse thermonucléaire, d'une réponse supramentale. C'est pourquoi tout à l'heure, j'expliquais. Tu me posais la question, il y avait un danger de la répondre, mais ça dépend bien gros de la question. On peut me poser des questions que je n'arrive absolument pas à répondre, certaines questions, je n'aurais absolument pas le goût, et on peut réappliquer que la même question posée légèrement différemment, soit dans le ton, dans la vitesse ou dans les mots, et là, je réponds. Alors, c'est la même chose. Si on va avoir une réponse du point de vue supramental par rapport à une condition, si on a un ego chez soi, même minime, ou si on est une forme de manipulation, qui fait qu'on n'arrive pas à se brancher sur l'un des deux avenirs possibles, où on arrive, on est branché sur l'avenir parce qu'on a fait notre choix, mais on ne sait pas si c'est le temps de commencer à bifurquer, eh bien, au lieu de se faire changer par son ego, on pose la question à un contexte supramental qui demande énormément d'énergie radicale. On pose la question d'une façon intelligente. Il y a toute une structure. À un moment donné, il y a des individus avec qui je vais travailler et je vais pouvoir justement leur montrer à prendre des décisions. Mais ça ne peut pas se faire en séminaire comme j'en donne présentement parce qu'il y aurait trop d'humains qui ne sont pas prêts. Et quand un humain est frustré parce que je dis ça, bien justement, c'est un de ceux qui est réellement pas prêt. Alors, on doit faire attention. L'astral ne peut pas manipuler la réponse supramentale. Si tu me poses une question clairement, merveilleusement bien posée, la réponse sera hautement supramentale. L'astral ne peut pas s'en mêler. Si tu me poses une question relativement médiocre, eh bien, je peux répondre médiocre. Moitié, dépendant de l'énergie que je veux mettre. Alors, c'est la même affaire au niveau des vérifications temporelles du point de vue supramental. C'est sûr que si tu vas dans un lac où de temps en temps, il y a des journées que ça ne mord pas, des journées que ça mord, ta question est mal posée. Tout à l'heure, j'expliquais qu'il faut qu'on fasse référence à une structure qui n'arrive à peu près pas. ou encore qu'on fasse chier l'intelligence. Ça, c'est une chose sur laquelle, à un moment donné, on pourra revenir, mais l'intelligence supramentale, on peut aussi la faire promener pas mal. Doit-on tout laisser arriver par soi-même ou orienter sa volonté vers ce qu'on veut? Excusez-moi, je recommence. Doit-on laisser arriver par soi-même ou orienter sa volonté vers ce qu'on veut? Peut-on faire arriver les choses ou si tout arrive de soi-même? On dirait que quand je visualise, ça arrive plus. Est-ce possible? Oui, c'est possible parce que la personne, elle a la faculté de visualiser sur tout ce qui va arriver. Ah, nécessairement, ça arrive plus. Elle va fouiller dans la mémoire du futur. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'elle visualise que ça l'arrive. Mais elle visualise ce qui va arriver. Donc, ça arrive. Si elle ne visualiserait pas, ça arriverait pareil. Est-ce qu'il y a des dangers à aller fouiller dans la mémoire du futur? Bien, en termes de visualisation ou au terme d'orchestration psychologique pour arriver vers une étape particulière d'un avenir qui plaît à notre ego, oui. Pourquoi? Parce que tu vois dans l'avenir possible des choses qui te manipulent à te diriger vers eux autres. Te dirigeant vers eux autres, nécessairement, c'est un critère égoïque. Tu canalises tout ton focus égoïque vers cette chose-là. Puis à un moment donné, même si la chose arrive, il peut y avoir une bifurcation après que tu n'avais pas vu et tu ne comprends pas pourquoi ou tu peux même en souffrir un peu plus. Alors, les projections, si elles ne sont pas faites en fonction d'une préscience bien établie au niveau de la conscience supramentale par l'ajusteur de pensée dans la conscience astrale de l'homme, ça peut être pas une problématique. Doit-on laisser arriver par soi-même ou orienter sa volonté vers ce qu'on veut? Premièrement, on veut toujours ce qu'on peut vouloir. Donc, en partant, ce n'est pas un problème. On revient à la même chose. Vous devez toujours orienter votre volonté et vouloir faire au maximum ce que vous voulez faire. Ça va changer quoi? Dans l'action, rien. Mais ça va changer une chose majeure du point de vue de l'ego, la souffrance, encore une fois. C'est que ça vous prépare à vivre ce qui va arriver. Oui, puis si tu fais ça, ben tu ne peux pas penser au passé pendant que tu fais. Tu ne peux pas penser au souffrance. Il y a un paquet de bonnes choses, de bonnes façons, de bonnes raisons de faire ce genre de choses du point de vue de l'instruction de l'ego. Alors, je désire continuellement avoir un village off ça, disons. Et puis, à un moment donné, quand il y en a un, bien, j'ai aucun problème à l'accepter. Mais je n'y crois pas, je veux pas. Ben, ça arrive pas, moi, souffrir, ça arrive, moi, souffrir aussi. Alors, la personne, elle doit toujours orienter sa volonté, même si elle n'a pas de libre arbitre. Et on l'oriente vers, au maximum, vers ce que notre intelligence nous dicte. Et c'est plus souvent qu'autrement vers ça qu'effectivement on va aller. Pas nécessairement la même couleur qu'on voulait, puis les mêmes détails, là, mais c'est vers l'événement qu'on va. Une chose importante, on doit toujours envisager, grosso modo, une chose. Jamais les détails. Quand je suis le plus angoissé, c'est quand je ne me vois aucun avenir possible. Rien, le vide, l'impossibilité de tout avenir quand je n'ai plus d'illusion. Comme si l'illusion d'un avenir m'était nécessaire pour survivre. Quand je retombe dans l'illusion d'un avenir possible, ça va mieux. Souvent, je sens qu'aucun avenir n'existe pour moi. Je n'en vois pas, ni à court terme, ni à long terme. Est-ce là que je ne suis plus dans l'illusion ou si c'est là l'illusion? Ça, c'est une très grosse illusion. Donc, la personne est toujours dans l'illusion. Du point de vue de l'ego, se bâtir un avenir possible, même si on ne fait pas tout pour l'atteindre. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'OFSA. OFSA, c'est extrêmement intéressant. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Tout ce qu'on aura fait pour le bâtir va servir de toute manière. Alors, tu veux te ramasser de l'argent pour avoir un gros château. Quand tu es millionnaire, tu n'en veux plus de château, mais ce n'est pas grave, tu es millionnaire. Alors donc, se créer au niveau de l'ego, le but dans la vie, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça élimine justement ce genre de problématique où la personne a l'impression tout le temps d'être inutile et inutilisable. Il y a des personnes qui ont peur des manipulations. Oui, mais tu sais, un but dans la vie, c'est une illusion. Puis après, ça ne change absolument rien. Une illusion, qu'on sait que c'est une illusion, on peut au moins la changer quand ça va nous tenter de la changer. Et parce que l'être humain vit d'un médiocrisme total, et c'en est une forme de médiocrité ici, là, l'être humain vivant dans un médiocrisme, il croit toujours que ce que lui va bâtir est faux. Tout à l'heure, un peu, lorsque Jacques revenait avec le phénomène du passé, s'inventer un nouveau passé, le rêvasser. Non, le rêvasser, il n'y a personne qui va y croire, donc finalement, tu n'inventes rien. Parce que l'humain le bâtit, bien souvent, il ne le croit pas. Alors, si on décide de s'enligner vers un avenir possible, gardons-le comme point. S'il est intelligent, poussons vers. Ça peut être une planète Terre tout à fait dépolluée avec une seule humanité dessus sans frontières. Ah oui, mais c'est utopique. Puis après, ça change quoi? Ça nous fait vivre en attendant. Ça nous fait rencontrer des gens de cette classe-là, donc des gens drôlement meilleurs. Ça nous permet de ramasser des structures qui vont de toute façon nous servir. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, aucune importance. Mais en attendant, on améliore notre condition humaine, on améliore notre sort, et en l'améliorant, on se dégrise du point de vue des drogues astrales, et finalement, on va voir de plus en plus clair. Est-ce qu'on va pas changer d'idée dans 10 ans? On verra. Mais si on change d'idée, on sera équipé pour changer d'idée. Tandis qu'aujourd'hui, on change d'idée régulièrement, simplement parce qu'on n'a pas de base solide. Alors l'individu, j'ai pas d'avenir. On n'a qu'à s'en décider. Un avenir, c'est tout. Je veux être millionnaire. Oui, mais tu sais, l'argent, c'est moi faire avec, comment l'avoir? Commence-t-on par l'avoir. Présentement, tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire avec. Même si tu serais, tu ne pourrais rien faire. Tu souffrirais un peu plus. Quand tu as de l'argent, après ça, la question est plus facile à poser. Tu peux même engager des gens pour penser à ta place. Fait qu'au moins avec de l'argent. L'argent, n'importe quoi. Mais il faut que l'individu qui a de l'ego se fixe un but égoïque dans la vie. Tu n'as rien à faire. Est-ce que la création serait une mécanique reproductrice cyclique d'accidents qui ferait tantôt partie d'un monde parallèle? Non. Création est tantôt partie d'un ou plusieurs autres mondes parallèles fonctionnant sur des bases totalement différentes d'un autre. Notre création. Deuxièmement, la structure création-création serait-elle semblable à l'anneau de Moebius? Non plus. Existante. 1, 2, 3, 4, 5. Ça pourrait que tu... Non. Pas ça. Tu ne veux pas le lire? Je l'ai lu. Il y a des petits ronds, puis 1, 2, 3, 4, 5. Tu as vu, oui. Moi, je n'ai pas compris. Si tu as vu, c'est parfait. OK. Non. OK, il y a des numéros, là. Écoute bien les numéros. 1. L'univers égale l'homme. Création existante. Numéro 2. L'univers dont je peux mettre de nom. Encore création existante. 3, 4, 5. Univers. Point d'interrogation. Suis-tu? Oh oui. Comprends-tu? Oui. Parce que moi, je ne comprends pas. Je peux te l'expliquer et faire des réponses sans nom pareil. OK. Mais j'aimerais ça que tu l'expliques. Ça m'a demandé d'expliquer quelque chose qui ne servira à rien. J'aimerais ça pareil. Y aurait-il... Je vais te le donner, là, parce que tu m'expliqueras voir si je peux comprendre ça. Y aurait-il alors plusieurs créations qui viendraient se greffer les unes aux autres? Non. C'est pas comme des molécules. Non. Y a-t-il d'autres clés que la conscience pour pénétrer dans ces autres créations? Non. Ah, pas. Explique. C'est la question qui m'a expliqué. C'est écrit explique? Oui. Non. Ça. Tu as entendu quelque chose? Ça veut dire que je n'aurai pas l'explication. Non, la personne qui vient d'élaborer ceci, c'est extrêmement intéressant. Elle devrait continuer à élaborer des choses. Parce qu'elle a la faculté de pousser son schéma de conscience dans quelque chose de neuf. Elle est capable d'élaborer des structures théoriques. Elle peut me poser les questions, elle peut ne pas me les poser, c'est comme elle voudra. De temps en temps, il y aura des oui dans ce qu'elle va dire aussi. De temps en temps, il y aura des non. Mais le non ne change rien, j'aurais pu répondre oui à tout ça au complet, mais cosmiquement, ce n'est pas cela. Il y a de la place pour ça, mais c'est pas ça. Par contre, la personne, elle est en train de... elle est obligée d'écrire des théorèmes, des théories, elle est en train d'assimiler des choses, et puis c'est très, très, très cela. C'est qu'il faut très faire. Bien. Oui. Une dernière question en passant. Est-ce qu'on peut... Comment reconnaît-on un walk-in si on en rencontre? À sa face. Ouais. Il y a la face d'un promeneur intérieur. OK. Est-ce qu'il est important de communiquer avec un walk-in lorsqu'on en rencontre? S'il te communique avec toi, ce serait important que tu communiques avec lui.